Activité 22. 1. Allô, c'est Rachida. Je t'appelle pour te dire que je ne peux pas venir ce soir. Je suis malade. Je vais chez le médecin tout à l'heure. Je vais chez le médecin tout à l'heure. 2. Salut, je vais au Brésil pendant les vacances. C'est super. Je te raconte samedi. 3. Oh, tu ne viens pas à la fête? Moi, je veux y aller avec toi. Allez, viens, s'il te plaît. 4. Allô? Pourquoi tu ne réponds pas? C'est important. Tu es où? Appelle-moi. 5. Oui, c'est moi. Je ne peux pas aller au cinéma ce soir. J'ai beaucoup de travail. Je suis très fatiguée.